commencé à discuter du sujet de la résorption des autres faisceaux. Comment les autres faisceaux vont se résorber et qu'est-ce qu'on a à faire? Pour, on n'a rien à faire là-dedans, on va le subir. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Là, tu parles du point de vue de l'ego, on n'a rien à faire là-dedans. Premièrement, il faut comprendre que chaque être humain qui est supramentalisable, donc christifiable, donc conscientisable, intelligençable, chaque être humain qui a un corps physique et un ego lui permettant de recueillir du neuf, donc d'accepter de s'ouvrir vers le neuf. Chacun de ces égos va vivre plus ou moins ce que l'ego de Jésus a vécu. Ce que Jésus a vécu est un phénomène intensif qui s'est fait avec une accumulation, une focalisation, une concentration de l'énergie michaélienne, donc de l'énergie christique, de ce faisceau-là vers lui. Les humains du contexte nord de la planète qui auront un contact avec leur propre esprit, donc avec le faisceau qui va venir les chercher, auront un contact beaucoup moins puissant que le contact de Jésus, mais ils auront un contact qui sera beaucoup plus puissant que ce que la majorité des humains ont et ont eu dans le passé. De ce fait, il y aura encore une fois ce phénomène de une espèce de longue descente aux enfers qui peut durer 10, 15, 20, 30 ans. Alors que Jésus, lui, a vécu cette descente aux enfers, je ne parle pas du Nazaréen, je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus. Il a vécu cette descente aux enfers de l'âge de 7 ans aller jusqu'à la crucifixion, disons vers l'âge de 30 ans. Alors on peut parler quand même de quelques dizaines d'années. C'est ce qui arrive aussi aux individus qui présentement se supramentalisent, c'est qu'ils ont un contact avec leur esprit. Ayant un contact avec leur esprit, nécessairement l'esprit va demander la permission, si on veut dire, à l'ego de pouvoir prendre possession du corps physique de l'ego, c'est-à-dire notre corps de chair. L'esprit s'approche donc d'un individu. Elle va, si l'individu a une génétique capable de déconnecter l'ajusteur de pensée du canal réincarnationnel pour le déployer, elle va lentement venir voir l'individu et elle va commencer à faire en sorte que la conscience mentale de l'individu s'ouvre d'une façon nouvelle vers la réalité. Et lentement, cette conscience mentale, ajustée par l'ajusteur de pensée, va instruire l'ego pour que l'ego abandonne progressivement la vérité. La vérité étant une coloration de la réalité, l'ajusteur de pensée relié à l'esprit, donc à l'énergie supramentale reliée au faisceau de l'individu, va instruire progressivement l'ego que celui-ci doit abandonner la vérité parce que la vérité, c'est une réalité traditionnelle, alors que la réalité réelle est une réalité instantanée qui ne provient pas de l'expérience, de la tradition, des mémoires et du passé. Lorsque l'ego commence à vivre le contact supramental, donc le contact avec l'esprit, et l'ego de Jésus a vécu la même chose que les égos humains vont vivre, lorsque l'ego commence à vivre ce contact, il voit le monde dans lequel il est sous plusieurs autres points de vue, ce qui fait en sorte que la majorité de ces égos, après un laps de temps, vont commencer à souffrir, et on parle donc de l'écœurement. Ils vivent une descente progressive aux enfers qui, selon l'état de l'ego, selon la capacité et la densité de l'antihomme dans l'ego de refuser le neuf, peut s'étirer relativement longtemps. Les égos sont extrêmement pessimistes et un individu qui dit « Oui, mais si le Nazaréen a pris une vingtaine d'années pour parvenir à se libérer finalement de la descente humaine aux enfers, qu'est-ce que ça va être nous autres? On en a pour quelques millions d'années. » Quelques millions d'années, c'est exagéré. Lorsque l'intelligence supramentale descend et qu'elle touche l'ego, elle l'instruit, elle l'informe, l'ego va vivre un peu ce que le Nazaréen a déjà vécu. C'est-à-dire que progressivement, l'intelligence supramentale va déloger l'ego, déloger l'ego pour le placer dans le plan moronciel. Déloger l'ego veut nécessairement dire ôter l'ego du corps physique, mais un ego et une âme, c'est-à-dire l'âme elle-même, c'est une enveloppe d'énergie vitale, d'énergie christique. Elle est impure parce qu'elle est habitée d'expériences humaines, les mémoires volatiles, et d'identification dans l'expérience, l'ego, le je, le moi. Pour prendre un ego d'un corps physique et le placer en plan moronciel, on doit obligatoirement reformer l'ego. C'est-à-dire que le trou du casse-tête dans le plan moronciel n'est pas le même trou que le trou qui est dans le monde de la mort. L'ego, si on le place dans le plan moronciel, il va se diriger vers le monde de la mort. Donc, on doit énergiser l'ego, rabaisser son taux vibratoire pour commencer, restructurer sa forme énergétique, énergiser l'ego pour énergifier un double éthérique de l'ego. Un double éthérique, finalement, de la conscience de l'ego. Pourquoi? C'est un double éthérique de ce qui, dans l'ego, va accepter la conscience supramentale, donc va accepter le neuf. L'ego de Jésus s'est fait placer dans le plan moronciel et il est revenu très substantiellement vers la fin sur la croix. Il a regagné le plan moronciel et s'est réincarné intégralement quelques années après, dans les années 1900. Ça, c'est l'ego, le double éthérique. L'ego du Nazareth, de Jésus dans le double éthérique se réincarne beaucoup plus tard, quelques années, en l'an 1900. Maintenant, 1900 et... 80 quelques. Non, 1940, 1950, 1960. 55. Quelque part là-dedans. Oui, quoi, tu penses-tu que c'est toi? Non. Non, je suis né un an après. Ah bon? C'est intéressant. Donc, lorsque cela se fait, pour les humains, c'est le même processus qui va s'opérer. Contact avec leur propre esprit, dialogue entre la tradition, entre l'ego et l'esprit, nécessairement ouverture vers de nouvelles formes de perception de la vie, de la réalité, découverte de la réalité, donc des assujettissements des parents, bien souvent, des traditions, des parents sociaux, la société, des mémoires, des livres sacrés, des dieux, des religions. Et nécessairement, l'individu se dirige progressivement vers une vie de frustration. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est dans 99,99999 à la 23% des cas, ce qui arrive. Lorsque cela se fait, il y a une espèce de compromis qui va se faire, où progressivement, l'ego va devenir un double éthérique, et l'intelligence descend par le mental, prend possession du corps physique. Lorsque l'intelligence prend totalement possession du corps physique, l'individu n'est plus un être humain. C'est un être, ce que l'humain pourrait appeler, un être divin. Quand je dis qu'il n'est plus à proprement parler un être humain, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a plus d'émotions, comme l'être humain en a. Il n'a plus d'ego qui domine le système endocrinien par les voies de l'hypothalamus et il n'y a plus d'ego qui peut lire le corps physique par les voies du thalamus. Donc, il n'y a plus ce que l'humain reconnaît dans un corps physique comme étant humain. L'individu ne s'ennuie plus. L'individu n'est plus capable d'aimer, donc plus capable de détester. Il aime d'une certaine façon, tout également. Donc, il ne peut pas aimer quelqu'un plus qu'une autre personne, ne peut pas rien faire de ce genre. L'individu est immortel dans ce sens qu'il ne peut perdre sa conscience. L'individu, normalement, devient irreproductif et il y a un paquet de symptômes qui vont paraître. Cet individu, pour la masse, devient un dieu. Pour une masse plus évoluée, va devenir un fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va refuser, quand on n'est plus évolué, à cause du snobisme de l'évolution relative à l'ego, on va refuser d'admettre qu'un humain puisse être Dieu. Lorsque Dieu descend dans l'humain, l'humain dit c'est le fils de Dieu. Ou le demi-dieu, c'est la même chose. Progressivement, la nuance qu'on va retrouver avec le passage de l'énergie de Michael, celle du premier Christ, c'est que lorsque le Christ s'en va, l'ego, placé dans un double éthérique, qui a été nécessairement christifié, donc éthérisé, l'ego placé dans le double éthérique du Nazaréen qui revient sur la croix pour revenir sur le plan planétaire, finaliser son travail, dans le cas des individus qui nous occupent, ceux qui, à l'échelle nord de cette planète, sont dans une phase de supramentalisation, donc de conscientisation, ces individus vont voir leur ego placé en double éthérique, et lorsque l'énergie de leur faisceau sera totalement devenue le contrôleur, le maître contrôleur de leur corps physique, il y a un rapprochement du double éthérique, donc de l'ego pur, du double éthérique, qui va se faire vers le corps physique qui est maintenant supramentalisé. Et il y a une fusion qui va s'opérer entre les deux individus, permettant à ce qui a été placé dans le double éthérique de conserver la lucidité, l'humain dirait la maîtrise de tout l'événement de supramentalisation, ce qui, dans le cas de Jésus et du Nazaréen, ne s'est pas fait. Donc, les individus d'aujourd'hui, quels que soient les faisceaux, il est entendu que chaque faisceau amène des privilèges différents et des lacunes différentes, étant donné que la lumière blanche éclaire. Mais si tu n'éclaires une pièce qu'avec de la lumière rouge, tu auras des avantages. Pas de problème au niveau de la rétine si la lumière blanche revient, ou si, pas la lumière blanche, mais s'il y a l'obscurité. Donc, tu as des avantages. Tu as par contre des inconvénients, tu ne vois pas le reste des couleurs, tu perds un peu au niveau des ondes, tu ne peux pas voir loin. Chaque couleur a son avantage, chaque couleur a ses inconvénients. Chaque être humain étant relié à des faisceaux de, disons, de couleurs, longueur d'onde, de couleurs différentes, nécessairement, chaque individu ne vivra pas une supramentalisation comme la masse. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a 13 façons de vivre une supramentalisation et aucune autre. Mais si une personne est la seule reliée à un faisceau, disons, violet, et qu'elle baigne à travers des individus reliés à un faisceau bleu, elle aura toujours l'impression d'être le mouton bleu ou le mouton violet du groupe. Pourquoi? Parce qu'elle se dira, oui, mais comment ça se fait que vous tous, vous avez tel genre de symptômes de supramentalisation, alors que moi, ça semble que si, ça semble que ça. Ça fait partie du collectivisme de l'ego qui tient absolument à évoluer vers l'individualité, mais comme tout le monde. Qu'est-ce que la réincarnation de l'ego de Jésus, je reprends ma question, est-ce que ça ne serait pas un catalyseur pour faire en sorte que le 13e faisceau se résorbe? Le fait que l'ego se soit réincarné? Oui. Premièrement, c'est une raison pourquoi cette partie de l'ego qui était reliée à un autre faisceau n'a pas été associée au faisceau christique michaélien et résorbée. Pour pouvoir reprendre de l'ampleur de façon à engendrer suffisamment d'événementiel dans le contexte évolutionnaire planétaire pour permettre au faisceau lazaréen de s'en aller. Mais avant que cela se fasse, Jean le Baptiste doit se réincarner. C'est fait, c'est accompli, et le corps physique de l'actuel présent a digéré le baptiste, ce qui se fait maintenant dans l'évolution vers l'intelligence supramentale. Celui qui reçoit est celui qui digère. Autrement dit, les individus qui sont ici, lorsqu'ils vont recevoir, vont digérer, ne seront pas digérés. Mais il est bien entendu que l'ego, lui, quand même, est transformé, alchimisé, transmuté. C'est-à-dire que si tu as toujours peur, à un moment donné, ton ego n'a plus peur. Un ego imbécile va dire « Oui, mais c'est plus moi. » Bon, effectivement, ça reste toi dans ce que tu as de lucide et ça ne reste pas toi dans ce que tu pensais que tu étais, mais qui n'était que de la crasse envoyée par le système réincarnationnel en énergie pour te grandir, mais l'énergie reste informée. Elle a de la mémoire. Étant informée, elle devient informative. Et dans le langage de la réalité, ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. De façon chronologique, est-ce que Jean le Baptiste ne serait pas réincarné un peu avant l'ego de Jésus? C'est exactement ce qui est arrivé. Okay. On peut passer aux questions. Le 14e faisceau s'est résorbé il y a 2000 ans. Le 13e faisceau lazaréen se résorbera bientôt. Les autres se résorberont-ils au rythme d'un à tous les 2000 ans? Non. Moins que 2000 ans? Pour certains faisceaux, un peu plus. comme celui de Lazare, qui était déjà pas mal amorcé. Il y a 8 faisceaux qui vont prendre de l'avance dans les quelques milliers d'années qui viennent. Ça va prendre 13 000 ans, un peu plus de 13 000 ans, 13 000, autour de 13 800 ans pour certains faisceaux. Et ça va prendre encore quelques années pour le reste des faisceaux. Sinon, explique la suite des événements à partir de maintenant. C'est vrai? Les deux antennes supramentales du Québec sont-ils les représentants d'un des 12 derniers faisceaux? Ils sont représentants chacun d'un faisceau différent, donc ils représentent deux faisceaux. L'un des faisceaux est beaucoup plus solaire, l'autre faisceau provient d'un autre soleil, du point de vue de la réfraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque soleil, il y a des soleils qui ont des constitutions absolument similaires, mais les soleils qui ont vécu avec l'expérience, ça reste de la mémoire, une mémoire extrêmement énergisée, donc une mémoire qui n'est pas formatée, informative, qui ont vécu l'expérience de créationnelle de certains contextes planétaires, ont la capacité, dans leur rayonnement, de réengendrer des stimulations à l'intérieur du monde de la mort, de leur système d'évolution, en l'occurrence notre planète, nous, il n'y a comme évolutionnaire planétaire humain que la planète Terre. Donc ça peut recréer, restimuler, c'est un peu comme si ça donnait l'ordre, que c'est l'heure qu'une réincarnation dans un dôme éthérique particulier vienne s'implanter. Alors il y a une des deux antennes supramentales qui est reliée par sa mécanique, sa chronométrie au système solaire. L'autre est relié à un autre soleil qui est à quelques parsecs, ou à peu près à, bon, je vais dire 1,3 parsecs, mais ce qui donne 31 milliards de kilomètres à peu près, mais c'est un soleil de transition, il provient d'un autre soleil. L'énergie cumulée en expérience a la faculté, dans son rayonnement, d'énergiser un soleil qui est à, comme je dis, disons 1,3 parsecs, et par la suite de le renvoyer vers d'autres soleils. Ce soleil-là, c'est le plus proche du nôtre, et on le voit bien. Et ça l'a réveillé, ce qu'on appelle Jean-Baptiste, c'est-à-dire que ça l'a donné l'ordre. Les deux antennes étant énergisées par deux fonctions solaires différentes, l'une d'elles semble partir de l'humain et monter, l'autre semble partir de l'inhumain et descendre. Semble partir. Est-ce qu'il part ou il ne part pas? C'est que l'humain va percevoir cela, alors que dans la réalité, c'est les deux, dans les deux cas, c'est une descente et une montée. Mais il y en a un qui va exprimer... Ils se rejoignent à mi-chemin, quelque part? Ben, à mi-chemin, non, mais ils se rejoignent effectivement à quelque part. Ça, c'est plus. Après que Lazare aura résorbé le 13e, résorberont-ils les deux suivants? Explique le phénomène. Oui, les deux suivants vont se résorber, mais ça va quand même prendre un certain laps de temps qui se calcule en années. Hein? Est-ce que les deux antennes supramentales servent à faire le même travail, c'est-à-dire catalyser la résorption, celui de Lazare? Les deux antennes, c'est-à-dire que c'est mécaniquement, ça va catalyser, donc accélérer sans y prendre part la résorption du faisceau lazaréen. Mais c'est simplement parce que c'est un travail mécanique, on peut dire que c'est leur fonction à eux de se résorber eux-mêmes. Et lorsqu'ils peuvent se résorber eux-mêmes, ils deviennent suffisamment contrôleurs des mécaniques. Étant contrôleurs des mécaniques, Lazare n'a plus de raison d'être. Pourquoi? Parce que les deux faisceaux sont des faisceaux actuels, alors que Lazare devient un faisceau expérientiel. C'est un faisceau qui provient du passé, qui graduellement n'a plus la gustation du contexte planétaire, et bref, devient de plus en plus inécologique par rapport à la fonction évolutionnaire planétaire. Donc, ce faisceau lazarien pourra se résorber et il sera remplacé par deux faisceaux. Un faisceau qui travaillera énormément dans l'occulte, donc dans l'ombre, et un faisceau qui travaillera beaucoup plus dans l'exotériste, c'est-à-dire à la surface. Le fait que Nostradamus prédise la fin de l'Apocalypse, pas la fin de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, au moment où la religion catholique disparaît ou perd son pouvoir, est-ce qu'il y a une relation? Oui, bien, premièrement, Lazare est à la veille de se retirer, ce qui fait que Pierre, finalement, n'a plus de raison d'être. Son rôle étant de protéger Lazare, donc la mécanique, quand les papes vont disparaître et que la puissance de l'Église va s'effondrer, on considérera que Lazare est en train de s'en aller. Est-ce que lorsque le faisceau se résorbe, il résorbe toutes les particules d'âme qui lui appartiennent, qui sont les traces laissées par l'expérience et sert à quel but? Oui, mais il reste toujours quelque chose du faisceau, ce que les autres faisceaux en ont pensé, en pensent, vont en penser, et ce que les autres faisceaux ont cumulé en mémoire. Alors, je donne un exemple. Tu es un faisceau qui se résorbe. Je suis un faisceau qui va se résorber. Je te vois partir, tu amènes tout. Mais de ton passage, il reste chez moi la mémoire de ta trace. J'en parle, nous en parlons, nous recréons dans l'astral, finalement, l'illusion de ta présence, qui est le plus conforme possible à ce que tu étais. De ce fait, on peut dire qu'il reste quand même des parcelles de ta présence, mais elle a été recréée par copie, par mimétisme, à partir des autres faisceaux. À quoi sert le Graal? Le Graal, ça l'a servi à faire courir beaucoup de chevaux. Avec deux A. L'autre question, à quoi a servi le Graal? Bon, premièrement, le Graal, c'est une mécanique qui a permis de préserver, au cas où l'Église catholique romaine n'aurait pas été capable de se préserver elle-même, le Graal a été un pacte garantissant la solidité d'un égrégore catholique, ce qui fait que chaque fois que l'Église devait tomber, si ce n'était pas le temps, autrement dit, si le Graal n'avait pas été bu, payer le karma de la crucifixion du Christ, autrement dit, finir par ne plus s'agenouiller devant la crucifixion du Christ et par ne plus adorer la mécanique de crucifixion et par ne plus s'en vouloir de l'avoir crucifié. Cela égale boire le Graal. Quand le Graal est bu, cela veut dire lorsqu'il y a suffisamment d'intelligence dans la conscience de l'homme pour que celui-ci cesse de considérer comme étant responsable, coupable de cette mécanique, alors qu'elle était totalement programmée, prévue, et l'humain a été obligé de l'accomplir. Boire le Graal veut dire éliminer son karma. De ce fait, boire le Graal te libère totalement et t'ouvre à une conscience magistrale. Le Graal est ce qui préserve l'Église. Il y a eu des temps dans l'Église catholique romaine où les cardinaux ont élu deux papes, et chacun des papes s'était mutuellement excommunié. Et l'Église ne s'est pas détruite. Par la suite, l'Église est revenue avec un pape. On a eu des papes totalement fous, cérébralement, et l'Église n'est pas tombée. Le Graal protège. Le Graal est... Il ne reste plus grand-chose à boire dedans. Est-ce qu'Arthur a réellement bu dans le Graal? Le Graal? Non, Arthur n'a pas bu dans le Graal. Il a bu dans une coupe qui l'a empoisonné. En quoi est un exorcisme traditionnel théologique est-il dangereux? Possède-t-il celui qui l'applique et sur quel égrégore peut-on brancher l'âme pour une possibilité de mieux être? Quels sont les pourcentages de réussite? Et cela peut-il se faire sur une personne qui prend des antidépresseurs? Quel est le meilleur contexte? Bon, il faudrait aller voir premièrement un exorciste qui peut faire des exorcismes, parce que l'individu qui veut s'essayer peut facilement arriver à faire ce que beaucoup de magnétiseurs font, c'est ôter la maladie puis se la donner. Alors, un exorciseur qui n'est pas suffisamment apte, bien souvent se possède en même temps que l'autre, ou de temps en temps dépossède l'autre et c'est lui qui se ramasse possédé. Il y a toujours des problématiques. Et pour exorciser, on doit se brancher sur un égrégore, en l'occurrence un égrégore divin normalement, parce que c'est habituellement des possessions du monde de la mort qui possèdent, rarement extraterrestres, ça arrive, très rare. Et on doit prendre Dieu et mettre Dieu à la place de ce qu'il possède, donc l'humain qu'on veut sauver, maintenant possédé par Dieu. Alors il va vouer sa vie à la religion qui l'a sauvé, comme ça se fait toujours dans les cas des exorcismes. Si l'individu veut s'exorciser lui-même, il n'a qu'à se servir de son mental. Et son mental, par l'ajusteur de pensée, va faire ce que j'appelle moi une chirurgie astrale, c'est-à-dire qu'il va être capable d'aller éliminer les parties du virus, les parties de l'ego qui nuisent. Une personne qui prend des antidépresseurs n'est pas capable de se faire exorciser par un mental, que ce soit un mental extérieur ou encore un automental, le mental de l'individu, parce que les antidépresseurs sont des médicaments qui agissent sur le corps physique, altérant de par ce fait l'expression de l'ego. L'ego ne pouvant s'exprimer convenablement ne peut se lire dépressif, donc ne se croit pas dépressif. L'antidépresseur fonctionne comme cela, mais ça altère aussi les capacités mentales. Donc l'individu n'aura pas la capacité d'être son maître contrôleur mental s'il fait le travail. Une personne peut dire, bien, qu'est-ce qu'il y a à faire? Chose certaine, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui n'ont qu'à continuer à faire ce qu'ils font pour s'en sortir. Ah, ils ne le voient pas, ils sont dépressifs, ils sont ce que tu voudras, prêts à faire plein de choses, puis tout ce qu'ils ont à faire, c'est se garder en vie, attendre. Qu'est-ce que ça veut dire, le chat devra être le support vital de l'humain? Non, ça veut dire que le chat devait être le support vital de l'humain lorsque Noé l'a fait. L'énergie vitale, c'est de la vie. L'énergie astrale, c'est aussi de la vie, mais de la vie psychologique. L'humain grandissant, nécessairement, cet humain-là aurait énormément besoin d'énergie. Et le chat est un animal qui a été constitué de façon à soutenir l'énergie à la planète Terre pour pouvoir la distribuer dans la pièce ou aux individus avec qui le chat vit. Le chat étant un phénomène plutôt vital, devient nécessairement un animal qui n'est pas astralisable. Il est astralisable, ça dépend des chats. Mais normalement, un chat ne vit pas émotivement ce qu'un humain va vivre, donc il ne vit pas non plus ce qu'un chien va vivre. C'est pourquoi on dit souvent que les chats sont indépendants, etc. Le chien, lui, devait supporter, c'est-à-dire que le chien devait être donné à l'homme, pour permettre à énormément d'humains de ne pas se suicider. C'est une espèce de médicament. Aujourd'hui, on en a plein d'autres qui sont plus faciles à transporter, c'est dans des capsules. Mais n'empêche qu'à l'époque, et le chien, lui, va venir vers l'humain. Il va être capable d'écouter l'humain. L'humain peut tout lui conter ses histoires. En plus que le chien ne te réplique pas, puis ne revient pas avec ça 2 ans après. Il y a d'autres avantages, c'est que le chien, il semble compétissant. Le chien va avoir des expressions astrales que tu vas percevoir, et le chien, donc, devient une espèce d'amortisseur de l'évolution psychologique des humains. C'est pourquoi le chien peut hurler à la mort de son maître, c'est une partie de lui qui meurt. Il y a beaucoup de chiens qui vont simplement se laisser mourir. Le chien peut protéger ses maîtres d'une façon exemplaire. Enfin, le chien, on en connaît en masse d'histoire, je pourrais t'en compter pendant des heures et des heures. Tandis que le chat, c'est autre chose. Le chat, c'est quelqu'un qui veut absolument voir quel est son niveau d'évolution, il veut ajuster son ego, il devrait toujours se payer le luxe d'avoir un chien et un chat. Pourquoi? Mais j'ai dit ça comme ça, elle n'est pas toute sur le chat demain matin. C'est que l'individu qui se dit, moi, j'ai un chien, puis regardez comment les animaux m'obéissent, mon chien m'obéit. Ouais, achète-toi un chat. Si ça équilibre ton ego. Quand ça va que le chat n'obéit pas partout, ça va un peu réfréner ton vouloir de contrôler. Parce qu'avant que le chat vous amène votre journal, il va avoir fait des dégâts dessus. Bien avant de vous l'amener. Est-ce que ce phénomène-là du chien, qui est plus psychologique, ça serait la cause qui a fait que les compagnies ont fabriqué des toutous, des pitous pour les enfants? Ces enfants-là se confient souvent à ces... C'est la même mécanique d'animal, sauf que le chien est l'animal le plus parfaitement réussi pour cela. Évidemment, on est passé par le loup, par le coyote, par le renard, par un paquet d'autres animaux. Le chat, lui, ça s'est passé aussi par un paquet d'autres phénomènes qu'on appelle les félins. Mais le chien, c'est celui qui est le plus réussi. Et à travers les races de chiens, il y a des chiens qui sont réellement bâtis pour aider l'humain. Alors que tu as d'autres chiens qui sont là plutôt parce qu'il y a eu des mélanges génétiques à travers le temps. Et ces chiens-là étaient aussi ajustés bien souvent au peuple qui les avait, mais ne sont plus nécessairement ajustés si les races sont éteintes. Quand je parle de race, je parle de race psychologique. Alors on a des chiens, par exemple, lorsque l'Allemagne a essayé de dresser des bergers allemands, entre autres, pour tuer les prisonniers, faire du gardiennage de pénitencier, enfin de camp de concentration, ça ne fonctionnait pas. Alors, à un moment donné, ils ont essayé avec les Danois, puis avec les Danois, ça n'a pas fonctionné non plus. Les Doberman, ça a commencé très intéressant. Les Pitbulls aussi. Les Pitbulls, c'est une race de chiens qui allait bien avec les Espagnols. Et les Espagnols adoraient ce genre de combat, et les chiens allaient avec eux. Mais les Pitbulls n'étaient pas dangereux tellement avec la race, ils étaient beaucoup plus avec les autres, en l'occurrence les Incas. Bon. Alors, aujourd'hui, quand tu te ramasses avec certaines formes de chiens, tu as des problèmes. On parle du Malamute, du Husky, ce sont des chiens qui servent l'humain, mais qui doivent être continuellement conservés dans un territoire relativement bas en vibration, normalement un territoire froid, et qui ne doivent pas avoir, certains chiens de cette race peuvent avoir des contacts avec leur maître, mais ça, le chien doit rester dans un contexte où il y a énormément de violence. Sinon, le chien peut devenir violent dans un contexte pacifique. Alors, le chien était donc adapté à l'époque aux mangeurs de viande crue, qu'on appelle esquimaux, et maintenant ils ne veulent plus, ça se font les Inuits, mais le chien est adapté à leur genre de vie. Qu'est-ce qu'une technique mentale a utilisée pour instruire une personne de ne pas se laisser mourir de faim à cause d'une âme tueuse ou autre genre néfaste? Bon, il y a une chose, évidemment, qui est extrêmement intéressante chez l'humain, c'est qu'il veut bien souvent aider autrui. La première façon d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui nuire. C'est une chose. Et ça, c'est un art que l'humain ne connaît à peu près pas. Qu'est-ce qu'une technique mentale a utilisée pour instruire une personne de ne pas se laisser mourir de faim à cause d'une âme tueuse ou autre genre néfaste? Un individu qui se laisse mourir de faim est un individu qui peut se faire aider. Et il y a suffisamment de ressources aujourd'hui dans notre société pour que cette personne-là puisse se faire aider sans qu'elle ait l'impression de se faire piler, de se faire piller mentalement ou spirituellement ou psychologiquement. Par contre, la majorité des personnes autour de ceux qui se conscientisent, qui souffrent bien souvent pour empêcher les conscientisés de se conscientiser. C'est-à-dire qu'à l'instant où une personne que vous aimez peut mourir et que ça ne vous dérange plus, bien souvent, elle ne meurt plus. Elle reste pour continuer à vous achaler. C'est sûr. Lorsque l'être humain décide de s'attacher à quelqu'un, il devra mettre beaucoup d'énergie. Et cette énergie est une énergie qui ne va pas avec la conscientisation. Est-ce que ça veut dire de laisser mourir tout ce que tu connais? Ça veut dire de ne plus être touché par ceux qui peuvent mourir. Après, tu peux faire ce que tu feras. Mais quand un individu se fait toucher par, il y a des personnes qui des fois viennent me voir et me disent « Non, moi ça ne me touche pas du tout, mais si tu peux me donner une solution technique, c'est intéressant. » Moi je dis « Non, je t'en donne pas. »« Ah oui, mais pourquoi tu m'en donnes pas? » Ouais, ça la touche assez que c'est pas long, qu'elle va me sauter sur le dos si je n'en donne pas. Alors évidemment, je prends l'ascenseur, je me pousse. Mais il faut que ça ne me touche pas. Et il n'y a plus de danger. Ici, à mort, pareil. Chacun a son plan de vie à vivre. Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui te permet de véhiculer ces informations? Le micro. En arrière du micro, c'est la bouche. Est-ce qu'un ou plusieurs des crises peuvent être la fusion de plusieurs personnes? Si oui, explique pourquoi c'est comme ça. 12 faisceaux majeurs dans notre contexte galactique, 144 853 faisceaux mineurs, 853 éliminés par le fait de la résorption du faisceau lazaréen, approximativement 144 000 corps physiques nécessaires. Tous les âmes fusionnées dans le monde de la mort et incarnées pluralitairement dans 144 000 quelques corps physiques. Les individus dans le monde de la mort, ce sont des individus qui se fusionne, s'assemble. Et l'ego, lorsqu'il apprend cela, il a des problèmes parce qu'il se dit, oui, ça veut dire que qui va être le contrôleur, qui va être le boss, qui va être le maître. Moi, je n'ai rien contre d'absorber 3000 personnes, mais à condition que c'est moi qui dirige. Ben, toi, si tu absorbes 3000 personnes qui aiment le spaghetti, puis toi, tu n'aimes pas ça. Maintenant, vous devez savoir qu'au fur et à mesure que vous vieillissez, vous absorbez régulièrement, vous n'en souffrez pas, ça ne paraît pas. Parce qu'il se trouve que tous, vous restez les contrôleurs, et tous, vous avez l'impression d'être l'unique contrôleur. Étant donné que les fusions, les associations pluralitaires dans le monde de la mort se font en fonction de l'harmonie des mémoires, tous les individus qui sont colériques se fusionnent. Alors, lorsque quelqu'un vous verse de l'eau sur vos souliers, vous aurez crié. Et les 35 millions de mémoires réincarnées chez vous auraient aussi crié. Vous criez tous en même temps. Une chance que l'humain n'a qu'une seule bouche. Mais l'humain se dit, oui, mais je ne contrôle pas. Oui, tu contrôles. L'association est faite de cette façon telle que vous êtes authentique, mais vous êtes des millions authentiques en même temps à la même place, dans le même corps. Alors, est-ce que un ou plusieurs des Christ peuvent être la fusion de plusieurs personnes? C'est ce que c'est. Mais la fusion de plusieurs personnes du passé. Et c'est ce que c'est. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont mourir et qui vont automatiquement se réincarner chez ces personnes. Ce que l'individu appelle les Christ. Comme ça s'est passé il y a quelques années. À l'époque, le Christ a choisi ses disciples. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui travaillent avec un phénomène christique, une entité corporelle, ont choisi de coopérer? Premièrement, il y a certaines personnes qui, à travers les individus qui tournent autour des antennes, sont des réincarnations digérées ou en digestion de mécaniques apôtres. Il y avait 63 apôtres secondaires, 12 apôtres principaux, un ami, Lazare. Et il y avait encore quelques milliers d'autres personnages qui suivaient le Nazaréen et qui ont suivi les apôtres par la suite. Donc, à l'époque, le Nazaréen avait choisi pour la simple raison qu'il ne pouvait faire autrement. Il ne lui restait pas beaucoup d'années. Et en plus, les médias, les systèmes d'information n'étaient pas grandioses. Alors, il a ramassé simplement des individus extrêmement faibles qui, eux, sans trop comprendre, ont suivi. Aujourd'hui, l'individu est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent. Surtout que l'intelligence veut s'exprimer d'une façon beaucoup plus pure. Lorsque l'intelligence christique va voir un individu et lui dit « Toi, suis-moi », puis que la personne suit, cette personne-là n'est pas la bonne. Dans le passé, ça ne dérangeait pas. Aujourd'hui, l'individu doit être suffisamment mental pour reconnaître, pour intelligencer, pour ne pas devenir un disciple, pour devenir lui-même une intelligence, qui va être capable de comprendre que si la grosse charrue passe en avant de lui, elle ouvre le chemin et qu'il n'y a pas de médiocrisme à être en arrière de la grosse charrue pour ramasser ce qui reste, pour aplatir le chemin comme il faut, jusqu'à temps que finalement l'humanité passe. Les égos spirituels et snobs prétendent qu'il est préférable d'être le premier. Et tous ceux qui sont les premiers aurait bien voulu être les derniers. C'est tellement plus simple. Il existe des techniques de méditation qui permettent de voir des lumières que l'on ne voit jamais sur le plan terrestre et des sons provenant des hautes sphères. Est-ce que tout cela vient de l'astral? C'est ça. Les hautes sphères spirituelles, entre autres, tout cela provient du monde de la mort. Ce sont des mémoires et de l'énergie. Quand vous avez accès à l'information qui est extrêmement énergisée, ou de l'énergie de plus en plus désinformée, parce que dans le monde de la mort, tout tend à s'oublier, c'est-à-dire à devenir de l'énergie vitale, vous avez accès à une vision de phénomènes lumineux. Il y a aussi la musique des sphères, je Vous avez accès à des résonances neuroniques cérébrales qui sont décodées par le cerveau comme étant de la musique. La majorité des artistes puisent d'ailleurs leurs inspirations de ce monde. Comment ne pas subir les conséquences négatives de nos actes? Ce ne sont pas vos actes. Est-ce que lorsque le dernier faisceau va se resserrer, la Terre va aussi être absorbée et les autres planètes de tous les super-univers pour qu'il ne reste rien d'oublié par l'intentionnalité? Alors, c'est une question qu'on répondrait beaucoup plus en conférence spéciale, conférence des séminaristes, pour la simple raison qu'il y a énormément d'informations qu'il faudrait qu'on rajoute en arrière pour qu'on puisse avancer sur la question. Grosso modo, effectivement, lorsque tous les faisceaux vont être résorbés, le système solaire sera résorbé aussi. Le système solaire sera résorbé en année standard, dans approximativement 6 milliards d'années. Alors, tu vas avoir encore le temps d'aller voir un film ou deux. Pour l'humain, l'humain se dit, oui, mais c'est énorme, ça n'a aucun sens, 6 milliards d'années, ça fait juste 30 ans que je vis, puis je t'écœurerai déjà. C'est que la vitesse avec laquelle l'humain se déplace dans le temps est surtout le vrai facteur à considérer pour savoir si c'est long ou court. On considère toujours le déplacement temporel en fonction de notre déplacement matériel. Montréal-Québec, ce n'est pas long, c'est 2 heures. En tout cas, moi, c'est 2 heures. Et lorsqu'un individu le faisait à pied avant ou à cheval, c'était plusieurs jours. Alors, on pouvait considérer que une semaine ou 2 semaines pour aller à Québec, c'est pas trop pire. J'ai 3 mois pour aller à Paris. Fait qu'aller à Québec, 2 semaines, il n'y a rien là. Aujourd'hui, on voyage beaucoup plus rapidement. On voyage aussi beaucoup plus rapidement dans le temps. Et lorsque l'être humain se supramentalise suffisamment pour commencer sa fusion avec son endométérique, il va courber le temps. Courber le temps, c'est parce que, premièrement, il augmente sa qualité et sa quantité d'énergie au niveau de sa structure atomique. Il augmente sa masse. Augmentant sa masse, il va courber de plus en plus l'espace-temps autour de lui, ce qui va faire en sorte qu'il va de plus en plus manipuler les plus faibles. Il n'aura même pas besoin de parler, les gens vont le reconnaître, les gens vont le suivre, il va courber. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est que bien souvent, il va se déplacer de sa conscience biologique pour simplement revenir quelque temps plus tard. Et pour l'humain, ça pourra être quelques années, ça pourra être quelques centaines ou quelques milliers d'années dans d'autres phénomènes réincarnationnels biologiques. Exactement comme quand vous partez d'une ville et puis vous parlez avec un individu, vous rêvez, puis finalement, hop, vous êtes rendu. Ah, déjà, ça a donc passé vite. Le temps est le même. Votre corps a cheminé, mais vous avez pris un raccourci temporel. Le corps reste dans la même lignée biologique, matérielle. Mais vous avez pris un raccourci temporel, ce qui fait que votre psychologie dit crime, ça me semble, ça fait une demi-heure, mais ça fait 2 heures et demie. Plus tard, vous direz, me semble, ça fait 2 ans, mais ça fait 2 millions d'années. Il reste 12 ou 13 autres faisceaux. Feront-ils le même travail que le Nazaréen? Quand viendront-ils? Où viendront-ils? Ils ne se feront pas crucifier. Dans lequel je me trouve, quel est son nom? L'ego a besoin de savoir dans quel faisceau il se trouve, de connaître le nom. Je peux vous donner un nom dans une langue que vous ne connaîtrez pas, que vous ne comprendrez pas. Je peux vous donner aussi un nom dans un langage qui plaira à votre ego. Mais ça ne va absolument rien changer au phénomène de l'ego. C'est inutile de savoir. Soyez votre maître, soyez chez vous. Comment, lorsqu'un individu est possédé par une âme particulière nuisante, peut digérer celle-ci ou cela se fait-il sur une base de longue durée? Certains personnages essaient de faire comme Ulysse. Ils s'attachent après un mort, ils se font boucher les oreilles et ils se disent, si maintenant je suis manipulé, je ne pourrai rien faire pour apparemment exprimer la manipulation. L'individu qui est manipulé à se droguer ou est en colère, à un moment donné, il peut s'en aller dans une région où il ne peut plus être en colère, où il n'y a pas de drogue, pas de cigarette, pas rien. Alors comme Ulysse, il était tellement hanté par la souffrance, il essaie d'arracher le mât, il crie, il essaie d'avoir sa drogue, ses problèmes. Là, l'individu qui est possédé, de toute façon, chaque être humain est possédé par un âme, donc en partant possédé par quelque chose qui est involutif, qui provient de l'expérience immémorielle de l'involution. Ce n'est pas grave, mais c'est une chose. Elle est utile, elle servira à créer le double éthérique, donc on a besoin de l'âme. L'âme, par contre, peut s'exprimer au détriment du mental, c'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à rejoindre votre faisceau d'énergie, dépendant de la réalité qui va s'ouvrir devant vous, vous aurez l'impression que l'âme va avec ou que l'âme va à l'encontre. C'est ce qui va faire dire au mental et finalement à l'expérience astrale du mental, à l'âme qui se prend pour le mental, que le reste lui nuit. Ce que l'humain doit faire, et l'humain doit continuellement... Chaque fois que je viens pour le dire, c'est tellement simple que je veux éliminer la majorité des mots. Et les éliminant, la majorité des personnes ne comprennent plus rien. Vous devez vous désassujettir mentalement de votre ego. Vous devez savoir que ce n'est pas vous qui vivez des émotions, mais l'ego qui s'exprime dans le même corps. Vous devez savoir que vous cohabitez avec l'astral dans votre corps. Vous devez savoir que vous êtes le mental. Vous êtes ce qui... Qu'est-ce que c'est que le mental? Vous êtes ce qui dit « Merde, pourquoi j'ai recommencé? » Et vous n'êtes pas ce qui vous a fait recommencer. Vous êtes ce qui dit « Faut que je fasse ceci. » Parce que c'est ça. Et vous n'êtes pas ce qui vous empêche de le faire. Vous êtes celui qui dit, oh, la colère, c'est bon. Et vous n'êtes pas celui qui crie. Sauf que l'individu ne peut faire la différence. Bien souvent, il reste connecté, il est fusionné dans sa conscience avec ce qui, chez lui, vient s'exprimer pour engendrer l'évolution de la génétique, par la sécrétion de crinienne, donc expression de l'émotion dans le corps physique, à ce qui vient orchestrer l'évolution de l'intelligence dans la matière. Il y a une mécanique animale humaine qui fait évoluer le corps. C'est l'âme, c'est un virus. Elle habite le corps de l'homme. Il y a une mécanique intelligente qui commence à prendre le contrôle du véhicule qui doit lui être livré. Le fabricant, l'âme, ne veut pas s'en aller et il n'a pas à s'en aller. Il devra être transmué en un autre véhicule, le double éthérique. Sauf que présentement, là, il y a une fusion de conscience. Ça se fait tellement, tellement lentement dans la majorité des cas des humains que l'humain ne se rend pas compte de la naissance. Alors, il a sorti un ongle, il a sorti un peu plus, finalement, il ne sait plus s'il a toujours été dehors ou toujours été en dedans, parce qu'il a eu le temps d'oublier pendant qu'il naissait. Alors, sortant, il se dit, oui, mais j'ai hâte de naître. Mais il est dehors depuis longtemps. Dans la fonction humaine, dans sa problématique d'évolution, il y a ce qui exprime de l'énergie mutatoire pour le corps physique, l'âme, l'émotivité, la culpabilité, la peur, la haine, la joie, le bonheur, le plaisir, la jouissance, etc. Quand je dis que ce n'est pas vos actes, vous n'avez pas besoin d'être pogné avec les résultats négatifs de vos actes, c'est l'âme qui brille avec. Vous habitez le même corps, je le sais. Et vous vous dites, quand le corps souffre à cause de l'âme, ben je pogne dedans. Oui. Mais vous ne souffrez pas dedans. Vous souffrez parce que vous permettez à l'astral de copier votre mental, vous, de souffrir dans l'illusion de ce que vous êtes, et par la suite, ne sachant différencier la réalité de ce que vous êtes de la copie mentale que l'astral a faite, imbibée de la souffrance, vous dites « je souffre ». Et vous ne souffrez pas, ça ne vous appartient pas la souffrance, ça ne vous regarde pas. De quelle façon l'individu peut arriver à éliminer une âme particulière qui le hante? Désassujettissez-vous de l'illusion de la fusion avec cette âme. Ce n'est pas vous. Quelqu'un va dire, oui, mais lui, il a une belle âme. C'est peut-être plus dangereux. Vous devez être les maîtres contrôleurs. Vous devez conserver votre lucidité. Je répète, et je le dis souvent en séminaire, l'être humain a une possibilité de liberté dans la conscience, mais il n'aura pas de libre-arbitre dans la planète. Cela veut dire que tu te dis, « Oui, maintenant, je le sais ce que je dois faire. Mais ça ne me sert à rien de plus, je ne peux pas le faire. » Lucidité, liberté dans la conscience. Vous ne pourrez pas l'appliquer dans le contexte de la matière, la terre n'est pas assez évoluée. Vous ne devenez pas lucide et conscient pour changer le monde de l'ego, pour changer la saveur des cornets. Vous devenez lucide et conscient pour être capable de survivre à la dissolution du corps physique à son heure, c'est-à-dire pour ne pas gagner le monde de la mort. Vous devenez lucide et conscient pour devenir immortel, pas pour changer la vitesse de votre automobile. Il y aura des résultats secondaires qui vont faire qu'effectivement votre automobile cessera de rouiller, que le cornet aura la saveur que vous voudrez. Mais ça va arriver quand vous en aurez plus besoin. Vous ne devenez pas lucide et conscient pour améliorer le sort de l'âme sur la planète. C'est pour devenir immortel dans votre conscience lucide. Alors nécessairement, vous allez voir des choses et vous ne changerez rien. Et vous vous dites, bon, mais tant qu'à rien changer, autant mourir. Si votre bébé éthérique n'est pas suffisamment constitué, vous allez gagner le monde de la mort. Ou vous allez être digéré par une autre personne, donc vous allez vous suicider pour vous ramasser dans un autre corps et dire, ah, merde! Vous avez suffisamment de conscience, préservez-la. Ça ne changera rien à ce qui vous entoure du point de vue de ce qui se supramentalise. On s'en fout. Ce n'est pas là l'objectif. Et on n'a pas d'énergie à mettre pour changer la couleur de vos yeux. Parce que ça brime votre ego. Vous avez un œil vert et un œil bleu. C'est ridicule de dire cela qu'un humain évolué est beau. Qu'un humain évolué n'est pas malade, qu'un humain évolué est riche. Lorsque vous aurez suffisamment d'intelligence, vous allez apprendre à la monnayer, l'intelligence. Vous ne serez pas riche, vous serez libre. Libre de la matière. Mais vous allez être capable de vous libérer de la matière uniquement lorsque la matière sera écœurée de vous. Lorsque l'astral sera écœuré de vous. Ce n'est pas du libre-arbitre. Il va venir un temps où, étant donné que toute la structure matérielle financière de la planète est dirigée par le monde de la mort, il va venir un temps où on va vous rejeter. Vous allez vous faire cracher en dehors de la taverne. Et vous allez vous retrouver dans un contexte d'intelligence. Et là, d'autres lois, les lois de l'homme, les lois de l'initiation solaire, les lois de l'aristocrate planétaire vont commencer à prédominer. Vous n'aurez pas plus de libre-arbitre. Vous n'aurez pas à dire, je vais travailler pour avoir de l'argent. L'argent sera déjà là. Pauvre vous, vous n'aurez pas plus de libre-arbitre. Vous ne devez pas, vous ne devenez pas lucide pour améliorer votre sort. Vous n'évoluez pas pour améliorer votre sort. Vous évoluez pour rester immortel. C'est autre chose. Quand vous aurez finalisé la fusion corporelle avec le dôme éthérique, vous n'aurez plus besoin ni de manger, ni de dormir, ni d'acheter le billet d'avion. Ce ne sera pas un libre-arbitre, vous serez ainsi constitué. Vous serez libre. En attendant, l'humain doit travailler sur sa lucidité. À un moment donné, il la monnaiera. C'est intelligent, c'est logique. Travailler de moins en moins pour ramasser de plus en plus, de façon à avoir ce que l'aristocrate planétaire aura, l'argent et le temps. Je répète que sur cette planète, là où il y a le temps, il y a la pauvreté. Là où il y a l'argent, ils n'ont pas le temps. C'est réparti dans deux domaines. L'astral ne peut posséder la puissance de la planète. Elle ne peut posséder le temps et l'argent à la même place, dans le même temps. Votre âme, elle vous embête. Mais je m'en fous. C'est vous qui devez devenir mental, c'est vous qui devez vous développer, c'est vous qui devez devenir conscient. Et automatiquement, vous allez vous en égoïser. Je répète, on l'a vu la semaine dernière, plus vous vous en égoïsez, plus le foyer central de l'âme, qui est un chardon ardent, emballé de couches de feuilles d'aluminium, plus vous vous en égoïsez, plus vous ôtez des couches. L'ego diminue. Mais l'enveloppe devient plus chaude. Votre ego semblera de plus en plus terrible. Jusqu'à temps, vous l'aurez complètement découvert. Il sera petit, l'ego. Chaud comme un soleil. Et l'humain, toujours a l'impression qu'il évolue pas, puis qu'il évolue pas, puis qu'il évolue pas. C'est pas en fonction du contrôle de votre ego, c'est en fonction de la lucidité qui vous habite. Merlin a-t-il fabriqué l'anse spécialement pour transpercer le corps de Jésus? Ah, c'est une bonne question. Non. Par contre, le Nazaréen s'est servi de cette lance pour pouvoir accomplir une promesse faite à Lazare. Mais Merlin l'avait fabriqué pourquoi, si c'était pour... Merlin l'avait fabriqué simplement parce que Merlin était fabricateur d'outils. Il n'a pas fabriqué Excalibur pour Arthur, il n'a pas fabriqué le Graal pour récupérer le sang. Excuse, il a fabriqué le Graal pour récupérer le sang, mais Excalibur était simplement une... C'était un artiste. Alors, il créait. La seule commande qu'il a eue, une commande essénienne, a été le Graal, la coupe. Jésus est-il ressuscité comme on l'explique dans la Bible? Non. Est-ce qu'il est ressuscité d'une autre façon qu'on l'explique dans la Bible? Oui, le corps du Nazaréen s'est dissous dans les heures qui ont suivi sa mise dans le tombeau. Et ça l'a laissé une trace dans la guenille, et puis c'est parti. Les Romains, par la suite, ben, lorsqu'ils ont ouvert le tombeau, il n'y avait plus rien. Alors, prenons l'exemple d'aujourd'hui. Vous mourrez. On vous met dans une tombe pour l'exposition. Et étant donné que vous êtes une personne super criminelle, puis on pense que peut-être que les personnes qui étaient avec vous vont vouloir vous enlever, eh bien, on met des gardiens. Et à un moment donné, quand on vient pour ouvrir le tombeau, on voit que vous n'êtes plus là. Alors, c'est quoi l'explication rationnelle? C'est que les gardiens ont dormi. On n'est vraiment pas pour dire que... Des fois, tu dis que c'est pas le Fils de Dieu, que c'est rien de ça, on n'est quand même pas prétendre que les Romains n'ont pas dormi. Alors, on a décidé que les gardiens avaient dormi, possiblement, et c'est pendant ce temps-là que les gens étaient venus voler le tombeau. Les chrétiens disent d'autres choses. Pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est les voleurs. Puis comme les voleurs n'ont pas été volés, ben ils disent, c'est pas ça. Puis comme les Romains, c'est les gardiens, ben c'est ça. Le corps est disparu. Les chrétiens ne savent pas comment, les Romains non plus. Le corps a été terrifié. Et donc, il a été dissous. Ce n'est pas une résurrection, c'est une fusion. Quel est le prochain Christ à venir et quand viendra-t-il? Il y en a déjà quelques-uns sur la planète. Et chaque faisceau, vous appelez ça des Christ récents, chaque Christ ne vit pas selon la tradition. Donc, le retour christique se fait premièrement à travers toutes les consciences qui sont supramentalisables. Lorsque vous avez de l'intelligence, ne recherchez pas le Christ. Vous en êtes une partie. Lorsque vous n'en avez pas, ben, de toute façon, que je dise quoi que ce soit, vous allez chercher et trouver des Christ. Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas apprendre? Ben, pour la simple raison que apprendre, c'est prendre des choses et les mettre dans sa mémoire. Comprendre, c'est vibrer instantanément à la réalité d'une chose. Lorsqu'un humain, subitement, découvre que la cigarette est en train de le tuer, il en prend conscience, il cesse de fumer. Lorsque l'humain écoute à la télévision que la cigarette c'est dangereux, il l'apprend. Et après 20 ans, ben il le sait que c'est dangereux, on le sait que c'est dangereux la cigarette, aucun problème. Puis un jour, il le conscientisera malgré le fait qu'il l'avait appris, il l'arrêtera. La problématique, c'est que si vous ne savez pas une chose, ça peut prendre 2 heures pour le conscientiser. Si vous l'avez appris, ça peut prendre 200 ans pour le conscientiser. Donc, c'est préférable de ne pas trop apprendre. C'est quoi un super univers? C'est un univers super grand. Voilà, c'est un univers qui inclut d'autres univers, autrement dit. Pendant longtemps, les humains ont considéré qu'il y avait un soleil, qu'il y avait une terre. Évidemment, la terre était plate, il y avait donc les quatre coins du monde, et le soleil tournait autour. Et ils se sont aperçus que le ciel était totalement immuable, et d'ailleurs, Aristote l'avait dit lui-même, il y a de parfait tout dans la création, sauf la terre. La terre, c'est imparfait, la preuve, les choses ruent, les animaux meurent, etc. Il avait observé que de temps en temps, il y avait des nuages et la pluie, il appelait ça les météores, les choses de l'air, et il avait pensé que l'impureté planétaire allait jusqu'au fin fond de notre atmosphère. Au-delà, tout était pur et immuable. La preuve, les étoiles ne bougeaient jamais. La Lune, par contre, se promenait, et la Lune, elle était pleine de taches, d'imperfections. Alors, Aristote avait dit, c'est que notre atmosphère se termine tout proche de la Lune, puis il y a des effluves de l'impureté de la planète qui termine la Lune. C'était l'univers. Jusqu'au jour où, finalement, la théorie aristotélicienne a été abandonnée parce que des personnes se sont rendues compte qu'il y avait des étoiles filantes, qu'il y avait des étoiles qui apparaissaient à un moment donné, maintenant qu'on appelle supernova, et qui disparaissaient. Et on sait, bon, plusieurs choses. L'univers était petit, l'univers est devenu un système solaire, l'univers est devenu une galaxie. Et aujourd'hui, on sait que notre galaxie, ce n'est pas la fin, que d'autres galaxies, donc l'univers est devenu l'univers. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que notre univers est baigné dans... Il y a d'autres univers qui contiennent des galaxies. Et cet ensemble s'appelle un super-univers. Et ce qu'on ne sait évidemment pas, c'est que dans ce super-univers qui baigne, ben, il y a des moments donnés des vides. Puis il y a d'autres super-univers similaires. Et c'est ce qu'on appelle la création, que j'appelle la création. La Terre, l'humanité, les hommes ont-ils vécu dans le passé des échecs comme des catastrophes atomiques lors des précédents essais de la supramentalisation de la planète? Serions-nous sur une planète préparée par des Elohim suite à un échec précédent? Si oui, avons-nous échoué? Pourquoi avons-nous échoué? Bon, premièrement, nous sommes sur une planète préparée par des Elohim parce que les Elohim, ce sont une mécanique qui n'ont comme seule unique fonction de mélanger des codes génétiques pour engendrer des corps physiques capables de supporter de l'homme. C'est tout. L'Elohim est un serviteur de l'homme. Nous sommes maintenant les habitants des corps que les Elohim ont créés et ils ont été mandatés par ce qu'un jour vous appellerez vous-même, par votre esprit. On ne doit donc pas diviniser les Elohim. Les Elohim, c'est simplement des menuisiers. Maintenant, la Terre n'a jamais vécu de supramentalisation, donc de problématiques. Il y a eu d'autres planètes qui ont vécu des supramentalisations et ça n'a pas fonctionné. J'ai déjà expliqué en conférence que la problématique de l'évolution, c'est que lorsque les habitants de contextes évolutionnaires arrivent à un développement de la science suffisant pour pouvoir s'anéantir, habituellement, ils se sont anéantis. Et chaque fois, l'expérience est recréée dans les archétypes de façon à ce qu'une future humanité finisse par parvenir à cette supramentalisation qui amène l'évolution du mental au préalable, le mental étant assujetti à l'ego dans le début, le mental, l'intelligence supramentale, finalement, sert l'ego, crée des armes, entre autres. La Terre n'a donc jamais vécu de supramentalisation, elle a vécu une phase d'involution, une désupramentalisation, donc on peut, en fouillant dans le passé, trouver des moments où l'humain était en contact avec l'intelligence supramentale, mais il était dans un vecteur de déplacement vers l'involution. Aujourd'hui, nous allons vers l'évolution, c'est une première rencontre globale avec l'intelligence supramentale, et elle va réussir. Elle a réussi, donc elle va réussir. J'ai la nette impression que l'histoire se répète encore, ceci par des événements bien réels. Rien de changé, rien que l'époque et la technologie. Que le film plate dont les acteurs sont victimes, à quand la fin de ce tournage pour en commencer un nouveau? Bon, pour en commencer un nouveau, ça ne vaut pas la peine, on ne recommence pas un nouveau. Tournage, pas tournage, finalement, ça reste du cinéma. L'histoire se répète évidemment, mais je répète, d'octave en octave, on approche de la fin du piano. L'humain ne doit pas se tanner. L'humain se plaint souvent, mais comme je le dis encore, ce que vous devez développer, c'est votre conscience. Plus vous allez voir le mensonge cosmique, plus cela va vous enrager, plus cela va vous écœurer, vous frustrer. Surtout que l'ego, étant informé par le mental de la nouvelle vision, veut se servir de la vision pour agir dans son monde. Et ça ne passera pas. Donc, encore plus frustrant pour l'ego. Ce n'est pas l'intelligence qui est frustrée, c'est l'ego. Alors, vous avez la nette impression que l'histoire se répète. L'histoire ne se répète pas, elle se poursuit. Étant donné que toute la structure révolutionnaire de l'humain était basée sur la tradition, donc sur ce qui a déjà été fait, il est donc inévitable que les humanités refassent les mêmes choses. C'est pourquoi l'humanité de l'actuel présent doit se diriger vers quelque chose de neuf et abandonner la tradition. Quel comportement doit-on avoir lorsque tout est là pour nous faire chier sans raison apparente? Aller chez Stambird ou Pharmaprix et s'acheter une caisse de papier de toilette. L'humain doit attendre. Il y a des colères mentales qui peuvent faire un peu de place, il y a de l'autorité mentale qui peut se développer, ça fonctionne, il y a des individus qui peuvent l'appliquer, mais ce n'est pas nécessairement tous les individus, ça dépend des égos, ça dépend des antihommes, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais quel comportement doit-on avoir? Sachez que présentement, il y a quelqu'un qui se trompe sur la personne, puis on essaie de faire en sorte d'occuper suffisamment votre corps physique et votre ego pour parvenir à occuper votre mental. Le mental, c'est le lien avec l'intelligence, avec l'esprit, avec le phénomène christique. Laissez l'ego faire ce qu'il a à faire et vous restez lucide. Le Christ étant reparti avec tous les éléments de son faisceau, l'ego de Jésus, apparemment actuellement réincarné, fait partie de quel faisceau? Celui de Lazare et non celui du Christ? Non, il fait partie d'un faisceau qui pourrait s'appeler le faisceau Jésus, mais il ne fait pas partie du faisceau ce que tu voudras. Mais il ne fait pas partie du faisceau lazaréen, ni du faisceau nazaréen, enfin du faisceau christique. Il ne fait partie d'aucun des 13 faisceaux, ni de celui du Christ qui est parti. Oui, il fait partie d'un des 12 faisceaux qui restent. OK. Quel était le but de la rencontre au sommet du Mont-Tabor entre Jacques, Jean, Pierre, Moïse, Élie, Nazaréen, ce qu'on appelle transfiguration? Bon, encore là, c'est assez complexe. J'y reviens. On en a déjà parlé en conférence régulière, mais finissons puis je vais revenir. Pourquoi le Christ a-t-il dû prendre le corps contenant un ego qui avait souvent eu l'expérience d'une mort dans l'enfance? Pour qu'il soit moins réfractaire à laisser sa vie adulte entre les mains du Christ? C'est la question. Simplement parce que cet ego avait souvent fait des tentatives pour ajouter l'antihomme, ce qui faisait de cet ego l'un des vecteurs, l'une des caractéristiques les plus adéquates pour recevoir du neuf, rejeter le vieux. Quelle partie de l'humain vivant et mort est inclus dans les mondes parallèles et cela est-il créé par les formes pensées ou autres manières et vont-ils être transformés lors de l'absorption faite par l'homme dans les années à venir? Bon, tous les mondes parallèles au niveau de la conscience psychologique de l'humain ou de la conscience expérientielle de l'humain font partie du monde de la mort et vont donc tous subir les processus d'absorption et de résorption. Est-ce qu'un individu qui est possédé par une âme particulière nuisante, lors de sa mort, va-t-il être sur l'emprise de celle-ci ou l'individu va se diviser sur les différents paliers du monde de la mort pour être anesthésié par celle-ci pour non-souffrance avant possibilité de se réincarner? Juste avant, je vais répondre à une autre question qui est posée par le public. Lorsqu'un être humain entre en contact avec de l'intelligence, a-t-il la possibilité, à un moment donné, d'être mis en attente? On parle mal le français, on dit en stand-by. Tu entres en contact avec de l'intelligence, tu vis une mutation corporelle, tu pars de loin, et à un moment donné, tu te places en attente. Est-ce que ça arrive? ça arrive. Et comment on reconnaît c'est un individu qui est en attente? C'est un individu qui prend énormément de temps et de son énergie pour observer les autres individus qui, eux, ne sont pas en attente. Et il se sert de ses observations colorées pour pouvoir supporter son attente, c'est-à-dire qu'il a l'impression, finalement, que tous les autres se sont fait fourrer et que lui, qui ne comprend toujours pas plus, ne s'est pas fait fourrer. Il y a des individus qui peuvent être mis en attente et qui, pendant ce temps-là, pour se supporter dans l'attente, ils pourraient mettre fin à leur attente seulement s'ils vont comprendre, s'ils parviennent à comprendre l'intelligence de la forme, de ce que c'est qu'un concept. Un concept, c'est un véhicule d'énergie qui est amené pour que ton ego et que ton corps mental puissent le digérer. Si on t'amène de l'énergie d'une forme qui est indigestible, ce n'est pas un concept et tu ne peux y avoir accès. L'individu qui est en attente voit l'énergie prédigérée arriver dans des individus, mais il ne voit pas ce que ces énergies font chez l'individu. Il se prend lui, il se projette dans la peau d'un autre, et il s'illusionne, il dit « bon, ça rentre là », et là il observe ce que ça fait chez lui. Mais vu qu'il est en attente, ce que ça fait chez lui, ce n'est pas ce que ça fait chez celui qui le reçoit. Mais ça, il ne le sait pas. Alors, il se place à la place de quelqu'un et il observe. Il regarde la personne, il dit « oh, il regarde comme ça ». Alors lui, il l'adapte inconsciemment à la même position, pas biologiquement, mais dans l'énergie vitale. Et là, il perçoit l'onde de forme et dit « crime ». Elle l'adore.